L'an passé, en faisant le tour de la Coupe des Nations du jour de course, ça nous a amené à créer des nouveaux circuits, des nouvelles épreuves. Donc cette année, on a vraiment pu combiner certaines de ceux-là. On a pu vraiment choisir la crème de la crème. Ça nous a donné beaucoup de liberté aussi au niveau du kilométrage. On voulait vraiment arriver à un 600 km pour que ça soit le plus difficile possible pour les jeunes qui en aient pour leur argent. Définitivement que les équipes, l'an passé, les équipes sont reposées en Tour de l'Abitibi pour sortir fort dans la Coupe. Cette année, ce ne sera pas le cas. Les équipes devront, dès la première course, sortir fort s'ils veulent remporter l'événement. Alors, on s'attend à une course très, très, très dynamique.